Bonjour, bonjour, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre tout de suite avec une séquence Oldies but Goldies avec un bon vieux Eloy. Time to Turn tout de suite sur le 90.7. Just today's adjourned, tomorrow is Un petit éloge des familles dans la grande époque début des années 80. Time to Turn, voilà, le titre éponyme, c'est le même, Time to Turn, ça date de 82. On reste toujours dans les terres germaniques avec Hölderlin. Hölderlin, c'est un poète romantique allemand. C'est également le nom d'un groupe des années 70 et 80 qui a sorti un certain nombre d'albums un petit peu dans la lignée de Novalis, qui lui a également le nom, porte le nom également d'un poète allemand. Je vous propose le meilleur album, un extrait du meilleur album de ce groupe allemand, Rare Birds, à ne pas confondre avec le groupe anglais. Rare Birds, c'est le titre des oiseaux rares, et le morceau s'intitule Rare Birds, voilà, c'est exactement le même titre aussi, éponyme. Il y en a pour 7 minutes 45, vous savez tout ou presque, si j'ai oublié de vous dire, c'est de 77. Tout de suite, Hölderlin. I am drinking home. C'est bien sympathique tout cela. Hölderlin, groupe donc allemand, un album de 77, Rare Birds. Vous savez, c'est la mode actuellement de tributes, c'est-à-dire des hommages. Divers groupes progressifs s'amusent ou prennent comme exercice de style, comme entraînement, si je peux dire, donc des morceaux des grands. Et essaye donc de les reprendre dans la mesure du possible en y rajoutant quelque chose, en essayant d'y mettre un petit peu leur grain de sel. Il y a donc, avec ce point de vue, avec cette version, on peut trouver tout et n'importe quoi, le très bon comme le moins bon. Il y a eu donc dans cette lignée des tributes, des hommages à Queen, à Yes, à Genesis, avec A Gentle Giant, voilà pour les quatre qui me viennent à l'esprit, avec des choses absolument superbes. Je me rappelle donc les tributes à Yes et Genesis dont j'avais parlé, j'avais passé de larges extraits ici. Il y avait des choses absolument stupéfiantes. Voilà un nouveau tribute, un nouvel hommage qui arrive sur nos téléscripteurs, sur King Crimson, et voilà, alors là, ça me fait énormément plaisir, puisque c'est pour moi un des groupes phares du progressif. Un tribute qui n'est pas publié par Magna Carta, mais par un petit label qui est américain et qui s'intitule Cléopatra. Je vous propose un morceau superbe phare de la deuxième période pardon, de King Crimson, c'est-à-dire aux alentours de Lark's Tongue in Aspic. Eh bien, c'est Exile avec la superbe voix de John Wetton. Et oui, il est là. Donc, c'est à moitié un hommage avec le violon de David Cross. Et oui, c'est encore moitié un hommage puisqu'ils étaient présents à cette époque. En fait, c'est un des rares morceaux qui n'est pas repris par un groupe étranger, qui est repris par les cofondateurs, les co-créateurs, même si Monsieur Fripp n'est pas là, avec un brio, une maestria à tomber par terre. Donc tout de suite, reprise par David Cross et John Wetton de Exiles. We'll be right back. you're behind me to face the call of fame or make a drunkard name for me. Oh, now this better life has brought a different understanding, and from these endless days shall come the broader sympathy. Although I count the hours to be alone, so superbe reprise d'Exiles. Voilà un album, une compilation, un tribute qui s'intitule Schizoid Dimension, la dimension schizophrène. Un tribute to King Crimson, avec donc David Cross. On trouve également Brandix, Chrome, j'en passe et des meilleurs. Voilà, c'est une compilation américaine qui vaut le détour. De King Crimson à UK, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement avec une reprise cette fois-ci du guitar héros scandinave Malmsteen, qui a repris In the Dead of Night de façon magistrale. Vous allez voir, c'est à tomber par terre. Tout de suite, In the Dead of Night. We'll be right back. La venue de Ray Wilson et non pas Steve Wilson. Steve Wilson, vous avez rectifié vous-même, c'est Porcupine Tree. Et également du batteur de Spock Beard. Un régal, même s'il n'est pas hyper progressif, c'est de la belle ouvrage. Ce qui a accompagné toute cette semaine mes oreilles et mon moral, c'est le dernier IQ. Le dernier IQ, un double album qui s'intitule Subterranea. Un double album superbe, dans la lignée de Ever, même s'il est peut-être un peu plus chanté, mais c'est un concept. Voilà, préparez les cassettes, préparez ces cassettes Chrome de préférence. Je vous propose un extrait de 20 minutes. Et oui, vous savez que sur Prog à part, on ne regarde pas à la dépense. Tout de suite, I'm Oh, my God.